comme cette nuit, moi je n'ai plus rien à chanter. Non, je n'ai plus qu'à admirer et à t'aimer. Je veux être heureux encore, je ne veux plus frôler la mort. Et ce matin, ma bien-aimée, je veux chanter. Je t'aime, je voudrais tant aimer. Je t'aime comme tu m'as aimé. Je t'aime durant toutes ces années quand je t'ai ignoré. Tu es à moi et amoureuse, tu as de grands yeux d'allumeuse, tu as de très très gros nichons et de tétons. Je veux passer ma vie entière dans tes bras, vivre dans les airs, encore une fois coller ma peau contre ta peau. Je voudrais tant aimer. Je t'aime comme tu m'as aimé. Je t'aime durant toutes ces années quand je t'ai ignoré. Après une nuit comme cette nuit, non, moi je n'ai plus rien à dire. Non, moi je n'ai plus qu'à sourire. Oh oui, Périne. Oh, je t'aime. Je voudrais tant t'aimer. Je t'aime. Vive pour toujours. Je t'aime. Toi, ma chérie. Toi, je t'ai ignoré. Je voudrais tant aimer, je t'aime comme tu m'as aimé, toujours, je t'aime, toi ma chérie, toi ma chérie, toi pour la vie, toi pour la vie.